Nico Douiman. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. À la deuxième et dernière journée de la table ronde des partenaires du Burundi au développement et les investisseurs privés pour la mobilisation des fonds, aucun engagement n'a été annoncé pour le tourisme, mais des promesses ont été faites pour soutenir le Burundi dans les domaines de la santé, l'agriculture et l'éducation. Plus de 600 cas de violence basés sur le genre ont été répertoriés en province Kayanza ces 4 derniers mois. Elles sont essentiellement économiques, nous dira notre correspondant. Le président de la Fédération burundaise de football annonce pour mars prochain la fin des travaux de construction du stade Intwari. Alexandre Muyenge rassure qu'il n'y a plus maintenant de soucis de moyens. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. La santé et l'agriculture souffrent du manque de personnel qualifié pour que le pays atteigne les objectifs définis dans la vision 2040-2060 dans ces deux domaines. Lors de la deuxième et dernière journée de la table ronde des partenaires au développement et les investisseurs privés pour la mobilisation des fonds, les ministres de la Santé et de l'Agriculture ont saisi cette occasion pour inviter les partenaires au développement à investir dans ces secteurs. Certains ont promis de soutenir le Burundi pour la concrétisation de cette vision, mais aucun engagement n'a été annoncé pour le tourisme. Un reportage d'Olydie Gahimbare, qui malheureusement n'est pas encore prêt. L'Office burundais des recettes obère a un nouveau commissaire général, en la personne d'Emmanuel Mbonihanguye, ancien manager de l'Institut supérieur de gestion des entreprises, ISGE. Il remplace ainsi Jean-Claude Manirakiza qui avait pris ses fonctions en décembre 2021. Le déficit de plus de 110 milliards de francs burundais qu'a enregistré l'Office burundais des recettes OBR au cours du premier trimestre de cet exercice budgétaire en cours peut être préjudiciable au fonctionnement de l'État, selon le parti Kodebou Iragiliandadaye. Le président de ce parti, Kefani Wizi, le dit après la déclaration du ministre des Finances, dans laquelle il évoquait également certains obstacles rencontrés dans la collecte des taxes. C'était lors de la célébration de la journée du contribuable. Le responsable de cette formation politique parle de carence de produits tels que le carburant et les produits Braroudi qui devraient générer ces recettes. Suivez-le. Tout d'abord, on dirait que c'est triste de constater que l'OBR a enregistré un manque à gagner qui s'élève à 110 milliards. Cependant, cela n'est pas surprenant parce que vous voyez que la vie du pays en ce qui est de l'économie semble être aux arrêts et parce que les domaines qui sont beaucoup plus contributifs, notamment les boissons de la Braroudie, le carburant ainsi que d'autres biens importés, sont perturbés à tel point que les revenus qui devaient en provenir ont diminué sensiblement. À cela s'ajoute le dysfonctionnement de l'OBR, où on dit que le logiciel qui devrait être utilisé dans la collecte des taxes et impôts ne fonctionne plus normalement actuellement, ainsi qu'un dysfonctionnement dans la registration de collecte des impôts, des taxes, où on donne des exonérations de façon arbitraire et d'autres hautes personnalités s'abstiennent de contribuer à ce que des taxes et impôts à l'impunité totale. Même si on change certaines personnalités de l'OBR, je ne pense pas que ce soit une meilleure solution si on ne régularise pas tout ce dysfonctionnement qu'on vient d'énumérer. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse un effort pour que les activités productives ou les activités commerciales et la disponibilité des denrées qui contribuent énormément dans les recettes de l'État puissent encore être disponibles et commercialisées normalement. Et c'est ainsi qu'on pourrait barrer la route à ce déficit qui risque d'être préjudiciable au fonctionnement de l'État. Plus de 600 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés en province de Kayanza ces 4 derniers mois. Céline Ndayisaba, directrice du bureau provincial en charge du développement familial et communautaire, indique que 70% de ces cas sont des violences économiques entre les couples mariés. Elle demande aux conjoints de collaborer étroitement dans la gestion des biens de la famille pour limiter ces types de violences. Patrick Saint-Guillaume. D'après les données chiffrées fournies par la Direction provinciale du développement familial et communautaire en province Kayanza, à peu près 600 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés en cette province depuis le mois de juillet l'année en cours. Céline Ndaïsaba, directrice à ce bureau, indique que le gros des violences basées sur le genre enregistrées sont des violences économiques. La directrice provinciale du bureau en charge du développement familial et communautaire à Kayanza apprécie toutefois que des violences physiques ont sensiblement diminué cette année et indique que c'est surtout grâce aux instances judiciaires qui ont sanctionné les auteurs de ces violences. Boniface Ndouimana, représentant de l'association Homme en détresse qui milite pour les droits de l'homme en province Kayanza, trouve que le gouvernement burundais devrait sensibiliser les fiancés qui se préparent pour le mariage, sur le mariage à combinaison des biens ou à séparation des biens, pour limiter les violences économiques dans les ménages entre les couples mariés. Sylvain Bakanivona, conseiller socioculturel du gouverneur à Kayanza, interpelle les administratifs à la base en cette province d'éviter l'arrangement à l'amiable en cas de violence basée sur le genre. Vous saurez que la période de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et filles termine bientôt ce mardi le 10 décembre et l'an courant. Depuis Kayanza, Patrick Nsengin va pour la radio Isanganiro. De Kayanza, rendons-nous à Karusi où nous retrouvons notre correspondant qui nous rapporte que les prix des boissons Braroudi ne sont plus respectés dans différentes localités de cette province. En effet, la Primus et l'Amstel ont connu des augmentations de l'ordre de 2 à 3 000 francs burundais par rapport au prix officiel. Les vendeurs et le délégué de la Braroudi se jettent le tort. L'administrateur communal de Wuhiga, de son côté, annonce pour très bientôt l'organisation d'une réunion à l'intention de tous les parties concernées. Les détails avec Blaise Pascal Kararoumiye. La plupart des bistrots de différentes localités de la province Karusi appliquent des prix spéculateurs pour les boissons Braroudi. Comme l'indiquent les consommateurs sur place, le prix d'une bouteille de Primus est entre 3 000 francs et 5 000 francs et celle d'Amostel est à 4 000 francs dans certaines localités et s'achète même à 7 000 francs. Alors que la bouteille de Primus devrait se vendre à 2 500 francs et la Amostel à 3 500 francs. Les propriétaires des différents cabarets expliquent que le prix pratiqué est surtout dû au coût de transport du chef-lieu de la province où se trouve le seul dépôt d'approvisionnement dans la province jusqu'à leur colline d'exploitation. Ces commerçants indiquent aussi qu'à ce dépôt de la Braroudi de type Mega SSD, le prix a aussi augmenté de 1 500 francs passant de 25 700 francs à 27 200 francs pour une caisse de Primus et un peu plus de cela pour une caisse d'Amostel. Le délégué de la Braroudi expliquait que ces 1 500 francs ajoutés par caisse servent pour le carburant nécessaire pour l'approvisionnement de ce stock de type Mega SSD où ces cabarets s'approvisionnent. Il déplore cependant des prix appliqués au bistrot et dénonce que ce sont les administrateurs communaux qui devraient contrôler si les prix appliqués ne sont pas de type spéculateur. L'administrateur communal de Bouhiga fait communiquer qu'il organise une réunion à l'intention de ces commerçants pour prendre ensemble des mesures qui pourraient arrêter ces cas de spéculation. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumiye pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Sport à présent, les travaux de construction du stade Inhuari seront achevés au mois de mars 2025, selon le président de la Fédération burundaise de football, qui rassure qu'il n'y a plus maintenant de soucis de moyens. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, Alexandre Mouyenge a fait savoir que ce stade abritera des compétitions après homologation des experts de la FIFA qui suivent de près la construction de cette infrastructure sportive. On l'écoute. Je dirais que pour le moment, les travaux de construction du stade Ivoiri vont bon train, d'autant plus que le financement est déjà là. J'espère que d'ici au premier trimestre de 2025, le stade sera déjà prêt. Nous attendions les experts de la FIFA pour la dernière inspection et pouvoir délivrer le certificat d'homologation. Est-ce que les moyens qui étaient destinés pour la construction de ce stade sont disponibles pour le moment? Pour le moment, je dis que tous les moyens sont là, que ce soit financier, que ce soit matériel, les moyens sont déjà là. C'est pour cela que je dis que les travaux, nous attendons seulement pour la société Limonta, qui a gagné le marché pour l'installation du gazosynthétique et de l'électricité, leurs équipements sont en cours. C'est-à-dire qu'au total, je pense que c'est au moins 15 containers. Certains arriveront au port de Dar es Salaam le 15 de ce mois. Le reste, une semaine après, qui seront directement acheminés ici au Bujumbura. Nous espérons que d'ici fin décembre, les containers seront ici et les travaux démarreront. Alexandre Muyenge, président de la Fédération burundaise de football. Le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, créé en 2009, a permis de vanter la bonne image du Burundi et de découvrir beaucoup de talents d'acteurs de cinéma. Au moment où l'on procède ce vendredi soir à l'ouverture officielle de la 15e édition, le président du Festicab, Ngabo Léon, s'appelle les producteurs de films burundais à valoriser leur potentiel touristique et les opportunités économiques susceptibles d'intéresser les investisseurs étrangers. Les avancées, à mon avis, sont énormes. Vous savez, quand j'ai fait la première édition en 2009, le festival était presque un fourre-tout. J'avais sollicité tous ceux qui produisent des images, que ce soit un documentaire, une émission, un film de fiction. Ça, c'était encore très peu. Mais que ce soit des émissions télé, vraiment, c'était un fourre-tout. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que à la 15e édition, nous avons pas mal de films en compétition, dont des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires et même des films d'animation. Quand on sait comment on travaille un film, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de mobilisation, des ressources humaines, des ressources matérielles, technologiques, etc. Aussi de films, de courts-métrages, la quantité a augmenté. Alors, quand je parle de la qualité aussi, nous nous sommes battus au niveau du Festicab à créer des partenariats et des associations au niveau africain. Chaque année, ils font des appels à projets. Donc, il y a des jeunes Burundais qui reçoivent des prix au niveau de la communauté africaine, par exemple en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est cette recherche de synergie, de mutualisation des compétences. Alors, je pense que cette avancée, c'est dû au fait que, de plus en plus, beaucoup de créateurs de films, beaucoup de producteurs et de réalisateurs, ils sont de plus en plus conscients des retombées de la production des films. Vous savez, de plus en plus, dans notre époque, à notre ère, l'image dynamique est très sollicitée dans le monde entier. C'est pas pour rien que certains pays puissants utilisent les médias télévisuels, justement, pour faire la publicité de leur pays ou de leur richesse, je sais pas moi. Il y a plein de choses pour la sensibilisation, pour l'éducation des masses, des enfants, etc. En actualité africaine, en bref, une maladie mystérieuse ressemblant à une infection respiratoire continue de semer la panique en République démocratique du Congo, notamment dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango. En effet, 131 personnes ont succombé à cette maladie en un peu plus de mois, selon le dernier bilan annoncé par le ministre de la Santé de la province de Kwango, Apollinaire Yumba. Les autorités sont particulièrement préoccupées par la rapidité de l'apparition des symptômes tels que la fièvre, les douleurs musculaires, les maux de tête et la toux. En outre, la malnutrition et une précédente épidémie de typhoïde dans la région compliquent la gestion de la crise. Et au Rwanda, après 3 ans de détention provisoire, le procès de 8 opposants membres du parti non autorisé de l'opposante Victoire Ingabire et du journaliste youtubeur Théoneste Sengimana s'est ouvert devant la haute cour au jeudi 5 décembre. Arrêtés en 2021, ils sont accusés de participation à une organisation criminelle, publication de fausses informations avec l'intention de provoquer une opinion hostile contre le gouvernement ou encore conspiration pour commettre une infraction contre le pouvoir en place ou le président. Au cours de cette première audience, le parquet rwandais a insisté sur la participation de la majorité des accusés à une formation en ligne détaillant des techniques de mobilisation non violente autour du livre de l'activiste Serda Popovic intitulé « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul ?» tout petit et sans armes. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.